d'où viennent les pensées? Ben, du plan de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a un plan des architectures de la forme. Quand l'énergie, au niveau de l'information, l'informe passe à travers le plan, ce plan-là, des architectures du mental, ça prend forme. Puis là, ça devient de la pensée. L'ego est une densification au sens d'une cristallisation. Quand l'énergie passe à travers, qu'elle devient psychique, elle devient de la pensée, puis là, elle va être intellectuée par la mémoire, puis ça va prendre forme. Mais la pensée en elle-même vient au niveau là, de sa source, là, si vous voulez, ça vient de l'informe, c'est de l'information, c'est-à-dire que ça va prendre forme en passant à travers les corps puis les plans. Puis c'est là que ça peut être intercepté ou envoyé ou dirigé parce que les plans sont habités. Donc, la pensée a son propre monde, c'est-à-dire que à un moment donné, on va se rendre, peut-être se rendre compte de tout ça. En tout cas, je l'espère.